إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، on continue donc la lecture du livre de l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala sur la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous en sommes arrivés à la page 103 lorsque le shia rahimahullah ta'ala nous mentionne les différentes sourates que récitait le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant la prière de nuit. Il a donc dit rahimahullah ta'ala la prière nocturne, c'est-à-dire la prière qui est accomplie entre la prière de l'Aïcha et la prière du Fajr. Et comme vous le savez, elle est généralement accomplie par série de 2 unités de prière. Et la sunna est de ne pas dépasser les 11 unités, comme le faisait le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit donc, rahimahullah, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, récitait dans la prière nocturne, aussi bien à voix haute qu'à voix basse. Parfois, il écourtait la récitation, et parfois il la prolongeait. Donc comme on a vu précédemment, il arrivait au prophète sallallahu alayhi wa sallam de réciter à voix haute lors de la prière nocturne, et d'autres fois, il récitait à voix basse. Et on a vu l'orientation qu'il a donnée à Abu Bakr et Umar radiyallahu ta'ala anhuma en leur disant de réciter à mi-voix, c'est-à-dire ni trop bas, ni trop haut. Ensuite, il dit rahimahullah, en d'autres circonstances, il l'a prolongé de manière excessive, c'est-à-dire la récitation, au point où Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu a dit, j'ai prié une nuit avec le messager sallallahu alayhi wa sallam. Il est resté debout tellement longtemps que j'ai eu envie de commettre une chose blâmable. On lui demanda, qu'allais-tu faire? Il répondit, j'étais sur le point de m'asseoir et de laisser le messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc ceci nous montre que la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam était parfois très longue et qu'il prolongeait énormément la récitation lors de la prière de nuit, sallallahu alayhi wa sallam. On mentionne d'ailleurs à ce sujet qu'il restait tellement longtemps debout lors de la prière nocturne, à tel point que ses pieds se fendillaient. On lui a dit, pourquoi fais-tu cela alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a pardonné tes péchés passés et futurs? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, ne serais-je pas un serviteur reconnaissant? C'est-à-dire que cette prière, c'est une forme de reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait cela alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui avait pardonné ses péchés passés et futurs. Alors que dire de nous, en connaissance de notre situation et de nombreux péchés que nous commettons et des grands manquements que nous avons dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et malheureusement, beaucoup d'entre nous négligent cette prière, Allahul Musta'an. Ensuite il dit, rahimahullah, Hudhayfa ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala anhu dit, une nuit, j'ai prié en compagnie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il commença par la récitation de Sourate la Vache. Après la première centaine de versets, je pensais qu'il allait s'incliner, mais ils continurent. Je me dis alors qu'il allait peut-être réciter la Sourate entière en 2 rak'a, et il poursuivit. Je me dis alors qu'il allait réciter la Sourate entière en une seule rak'a, puis s'incliner. Mais il entama la Sourate les femmes, Sourate Nisa, et la récita en entier. Et la fit suivre de la sourate la famille d'Imran, qu'il récita lentement, tout en veillant à bien articuler. Quand il récitait un verset mentionnant une glorification, il glorifiait Allah. Ou un verset contenant une requête, une demande, il formulait sa demande. Ou une demande de protection auprès d'Allah, il demandait protection auprès d'Allah, puis il s'inclina. Donc on voit à travers ce hadith, à quel point le prophète sallallahu alayhi wa sallam prolongeait la récitation dans cette prière. Et on tire également parmi les bénéfices de ce hadith la permission de réciter plus d'une sourate après Sourate al-Fatiha et notamment dans la prière nocturne. On tire aussi comme bénéfice la permission de réciter les sourates du Coran lors de la prière dans un ordre différent que celui du Mus'haf. En effet, on voit qu'ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait précéder Sourate al-Nisa à Sourate Ali Imran. Il n'est donc pas obligatoire de respecter l'ordre des sourates du Coran lors de la prière. Toutefois, les savants ont mentionné qu'il est obligatoire de respecter l'ordre des versets. C'est-à-dire qu'il n'est pas permis de réciter les versets de la fin d'une sourate, puis ensuite de réciter les versets du début, et ainsi de suite. Par contre, en ce qui concerne les sourates, ce n'est pas une condition de respecter l'ordre de celle-ci. Également, on voit à travers cela la recommandation de faire lors de la lecture du Coran ce que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il y avait une glorification, une glorifier Allah. Par exemple, comme on l'a vu pour la sourate Al-A'la, lorsqu'il récitait Sabbih isma rabbika al-A'la, il disait Subhana rabbi al-A'la. Et ainsi de suite. Également, lorsqu'il y avait une demande, une invocation, il adressait cette demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'il y avait une demande de protection, une demande de refuge, il cherchait refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque le paradis était mentionné, il demandait le paradis à Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque le feu était mentionné, il demandait à Allah subhanahu wa ta'ala de le protéger contre le feu. Il est donc recommandé pour le lecteur du Coran, que ce soit dans la prière de nuit ou autre, de mettre en pratique cela, comme le faisait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'y a pas de doute que ceci est un des meilleurs moyens de méditer sur le Coran et de t'aider à la concentration lors de sa récitation. Ensuite, il dit, rahimahullah, et une nuit, il lut les sept plus longues sourates alors qu'il était souffrant. Donc, on voit en note de bas de page que le cheikh, rahimahullah ta'ala, dit, les sept sourates les plus longues du Coran sont la vache, la famille d'Imran, les femmes, la table servie, les bestiaux, al-Araf, et le repentir. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a lu ces sept sourates dans sa prière de nuit alors qu'il était souffrant. Regardez sa patience dans l'adoration sallallahu alayhi wa sallam. Malgré qu'il était souffrant, il patiente et il récite ces longues sourates dans sa prière de nuit. Aujourd'hui, il est possible que l'un d'entre nous, pour un simple petit rhume, tu vas le voir écourter ses prières obligatoires. Il va te dire « je suis malade », et il va prier plus rapidement qu'habituellement. On ne parle même pas des prières surrogatoires ni de la prière de nuit. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous voyez dans ce hadith, que même en étant souffrant, il a récité ces sept sourates lors de sa prière de nuit, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il dit, rahimahullah, il récitait parfois dans chaque raka'a une sourate parmi les sept plus longues sourates. Dans chaque unité de prière, une de ces sept sourates que l'on vient de mentionner. Par contre, il n'a jamais été rapporté qu'il ait lu tout le Coran en une seule nuit. Ceci n'a pas été rapporté du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Bien au contraire, il n'a pas donné son accord pour que Abdullah ibn Amr le fasse. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit, lis le Coran complet une fois par mois. Abdullah ibn Amr, radiyallahu ta'ala anhumah, il est venu au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour lui demander en combien de temps il devait lire le Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a orienté et lui a dit de lire le Coran entièrement une fois par mois. Donc on voit ici la recommandation pour le musulman de clôturer chaque mois la lecture du Coran. Ensuite il lui a dit, c'est-à-dire Abdullah ibn Amr, je me sens la force de faire mieux. Il lui dit alors, lis-le en une vingtaine de nuits. Il dit, je me sens capable de faire mieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors, lis-le alors en 7 jours et pas moins que cela. Donc au départ, il lui a interdit de le lire en moins que 7 jours. Il dit ensuite, rahimahullah, par la suite, il l'autorisa à lire le Coran complet en 5 nuits. Ensuite, il l'autorisa à le lire entier en 3 nuits. Mais il lui a interdit de le lire en moins de 3 nuits et il en a donné la raison. Celui qui lit le Coran en moins de 3 jours ne peut pas le comprendre. Donc vous voyez que Abdullah ibn Amr, de par sa ferveur, il souhaitait lire au maximum le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui permit de le lire en 3 nuits. Mais il ne lui autorisait pas de le lire en moins que cela. Alors qu'il voulait faire plus, radiyallahu ta'ala anhu. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Si une personne lit le Coran une fois dans l'année, c'est déjà quelque chose d'immense pour elle. Alors que dire de le lire une fois par mois, ou une fois par semaine, ou une fois toutes les 3 nuits, wallahu al-musta'an. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné cette cause qui est le fait que celui qui lit le Coran en moins de 3 jours, il ne peut pas le comprendre. Et dans une autre version, il dit, ne peut comprendre le Coran celui qui le lit en moins de 3 jours. Certains pourraient se poser la question, et qu'en est-il des récits qui sont rapportés de certains parmi les salafs, de certains parmi les grands imams, qui lors du Ramadan lisaient le Coran chaque jour. Certains même qui le clôturaient durant les 10 dernières nuits, chaque nuit et chaque jour. Comment interpréter leur acte au vu de l'interdiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionnée dans ce hadith? L'imam Ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, a mentionné que l'interdiction mentionnée dans le hadith concerne le fait de le faire constamment. C'est-à-dire que la personne lise constamment le Coran en moins de 3 jours. Puis il a dit, rahimahullah, que durant les moments méritoires, comme le mois de Ramadan, ou les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah, ou les endroits méritoires, comme la mosquée sacrée de la Mecque, ou la mosquée sacrée de Médine, alors il est permis à la personne de lire le Coran en moins de 3 jours afin de profiter du mérite du moment ou de l'endroit. C'est-à-dire que ceci fait exception à l'interdiction, car l'interdiction vise le fait de réciter le Coran ainsi constamment. D'ailleurs, il dit dans l'autre version du hadith, puis il a donné une autre raison et dit, chaque adorateur a une période d'enthousiasme et de ferveur, et toute période d'enthousiasme a un moment de fléchissement et de trêve, soit vers une sunna, soit vers une innovation. Ainsi, celui qui a un fléchissement vers la sunna, il aura été guidé, et quiconque a un fléchissement vers autre que cela, il ira à sa perte. Dans ce hadith, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous indique une réalité que chacun d'entre nous peut observer. C'est-à-dire que chaque serviteur, il a parfois une période où il a plus d'enthousiasme, plus de ferveur, plus d'entrain dans l'adoration, plus de motivation. Mais cette période, elle est souvent suivie de quoi? D'un moment de fléchissement et de trêve, un moment de relâche. Donc, si la personne s'impose quelque chose de difficile à supporter pour elle, il se peut qu'elle relâche et qu'elle délaisse totalement cet acte. Alors que si elle s'habitue à une adoration constante que son âme peut supporter, alors ceci est plus aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il est venu dans le hadith authentique, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les œuvres les plus aimées auprès d'Allah sont celles qui sont constantes, même si elles sont minimes. C'est-à-dire qu'il est préférable pour le serviteur de lire constamment tout au long de sa vie le Coran une fois par mois, plutôt que de le lire durant 6 mois, 1 an ou 2 ans, tous les 3 jours, une fois par semaine, puis après relâcher et délaisser totalement la lecture du Coran. Wal-iyadu billah. Donc la personne, elle se fixe des objectifs qu'il est possible pour elle d'atteindre et qu'il est possible pour elle de persévérer et de rester constant sur cela afin d'accomplir une œuvre constante et aimée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il dit, rahimahullah, c'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne récitait pas le Coran en moins de 3 jours. En outre, il disait, celui qui récite dans la prière nocturne 200 versets, il sera inscrit parmi ceux qui sont entièrement soumis à Allah et lui voue une adoration exclusive. Donc il y a dans ce hadith un encouragement à lire dans la prière nocturne au moins 200 versets du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite il dit, rahimahullah, il récitait chaque nuit la sourate des enfants d'Israël, c'est-à-dire sourate al-Isra, et la sourate les groupes. Il disait, celui qui lit dans la prière nocturne 100 versets, il ne sera pas inscrit parmi les insouciants. Donc il y a dans ce hadith l'incitation à réciter au moins 100 versets dans la prière nocturne afin de ne pas faire partie des insouciants. Parfois, il récitait dans chaque raka'a environ 50 versets ou plus. En d'autres circonstances, il récitait l'équivalent de la sourate aux toiles enveloppées de tes vêtements, sourate al-Muzammil. Par ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne priait jamais la nuit entière, c'est-à-dire de la prière de l'Isha jusqu'à la prière de l'Fajr, sauf rare exception. En effet, Abdullah ibn Khabbab ibn al-Art, qui participa à la bataille de Badr avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici, il y a une erreur qui est présente dans le livre original en arabe. Car Abdullah ibn Khabbab, ce n'est pas un compagnon, mais c'est le fils de Khabbab qui, lui, est un compagnon et c'est Khabbab qui participa à la bataille de Badr. Donc ce qui est juste, c'est, en effet, Abdullah ibn Khabbab ibn al-Art rapporte de son père qui participa à la bataille de Badr avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après Ibn al-Art, il faut rajouter rapporte d'après son père, Khabbab, qui participa à la bataille de Badr avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Khabbab, il a observé le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam une nuit entière et dans une version, une nuit qu'il a prié en entier jusqu'à l'aube. Lorsqu'il eut prononcé les salutations de sa prière, Khabbab lui dit, Donc vous voyez, cela confirme bien que c'est Khabbab qui a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam prier. Donc Khabbab lui dit: « Ô messager d'Allah, je sacrifierai père et mère pour toi. Tu as accompli la prière cette nuit d'une manière nouvelle que je ne t'ai jamais vu adopter auparavant. » Il lui répondit: « Certes, c'est une prière de crainte et d'espoir. J'ai demandé à Allah trois choses. Il m'en a accordé deux et m'en a refusé une. J'ai demandé à mon Seigneur qu'il ne nous détruise pas comme il a détruit les communautés qui nous ont précédés. Et dans une autre version, qu'il ne détruise pas ma communauté en leur infligeant une année de sécheresse, engendrant la famine. Il me l'a accordé. Ensuite, j'ai demandé à mon Seigneur qu'il fasse qu'un ennemi étranger à la communauté n'ait pas le dessus sur nous. Il me l'a accordé. Enfin, j'ai demandé à mon Seigneur qu'il fasse que nous ne nous divisions pas en sectes, mais il me l'a refusé. » Subhanallah. Ceci est un des signes de la prophétie du messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé dans un autre hadith que cette communauté se diviserait en 73 sectes, que toutes iront au feu, c'est-à-dire que toutes sont sous la menace du feu de l'enfer, à l'exception d'un groupe. Il lui a alors demandé: qui est-il, au messager d'Allah? Il a dit: ce sont ceux qui seront sur ce quoi je suis, moi aujourd'hui, ainsi que mes compagnons, radiyallahu ta'ala anhum. Donc, celui qui veut suivre la voie du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et ne pas faire partie de ceux qui divisent la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala, en sectes, il doit alors revenir à ce sur quoi était le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses compagnons radiyallahu ta'ala anhum, et ce en suivant le Coran et la Sunna, selon la compréhension des pieux prédécesseurs, rahimahumullahu ta'ala. Et ce qui est visé par la mention de ce hadith, c'est donc qu'il est arrivé une fois au prophète sallallahu alayhi wa sallam de prier une nuit entière. Mais de manière générale, il ne faisait pas cela sallallahu alayhi wa sallam. Une nuit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié en lisant un seul verset, qu'il n'a cessé de répéter jusqu'à l'heure de la prière de Sobh. Le verset est le suivant: In tu'adhibhum fa innahum ibaduk, wa in taghfir lahum fa innaka antal aziz al hakim. Si tu les châties, ils sont tes serviteurs, et si tu leur pardonnes, c'est toi le puissant, le sage. Ils s'inclinaient, se prosternaient et faisaient des invocations en le répétant. Le matin, Abu Dharr, radiyallahu ta'ala anhu, lui dit: Ô prophète d'Allah, tu n'as cessé de réciter ce verset jusqu'à l'aube? Tu te prosternais et t'inclinais après l'avoir récité, et tu faisais des invocations après cela, alors qu'Allah t'a appris le Coran en entier. Si l'un d'entre nous faisait cela, on lui aurait reproché son geste. On lui aurait reproché de faire la prière de nuit en répétant seulement un seul verset. Il répondit alors: J'ai demandé à mon Seigneur de pouvoir intercéder en faveur de ma communauté, et il me l'a accordé. Ainsi, si Allah le veut, toute personne qui n'a point associé à Allah en bénéficiera. Donc on voit à travers ce hadith la permission de réciter un seul verset dans la prière de nuit que tu répètes à plusieurs reprises et ce dans chaque unité. Comme l'a fait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comme cela nous est rapporté dans ce hadith. Et les gens de science ont mentionné qu'il est même parfois préférable pour le serviteur de se contenter de réciter un seul verset avec méditation et d'en tirer profit et de le mettre en pratique plutôt que de réciter des centaines de versets que tu ne comprends pas, que tu ne médites pas et que tu ne mets pas en pratique. On tire également comme bénéfice de ce hadith le mérite immense du tawhid, qui est une cause pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala permette au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam d'intercéder en faveur du serviteur. En effet, on voit dans ce hadith qu'il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala la permission d'intercéder pour sa communauté. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam intercédera par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection pour sa communauté. Pour qui? Pour toute personne qui n'a point associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à ceux qui font du polythéisme, ceux qui invoquent autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui se rendent auprès des tombes et donnent des associés à Allah subhanahu wa ta'ala en invoquant les morts, en sacrifiant pour eux, et ainsi de suite, alors ceux-là, ils seront privés de cette intercession qui est réservée à ceux qui vouent un culte exclusif à Allah, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il dit, rahimahullah, un homme lui dit: Ô prophète d'Allah, j'ai un voisin qui, en accomplissant la prière nocturne, ne récite que, dit, il est Allah unique, c'est-à-dire sourate Al-Ikhlas. Il répète cette sourate sans rien y ajouter. L'homme dit cela comme s'il la considérait trop courte. C'est comme s'il ne trouvait pas suffisant de ne réciter que cette sourate dans la prière de nuit. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui répondit, par celui qui détient mon âme, cette sourate équivaut au tiers du Coran, c'est-à-dire en termes de récompense. Donc on voit à travers ce hadith que même celui qui ne mémorise pas beaucoup de Coran, il lui est possible de prolonger la prière de nuit, même s'il doit pour cela réciter dans chaque unité de prière les mêmes sourates. Celui par exemple qui ne connaît que quelques courtes sourates du Coran, alors s'il souhaite prier longuement la nuit, il lui est possible de réciter dans chaque unité toutes ces sourates et recommencer ainsi pour chaque prière. Regardez cet homme, il faisait la prière seulement sourate al-Ikhlas. Aujourd'hui, on voit certaines personnes te disent, je ne peux pas prier la nuit, je ne connais pas beaucoup de Coran. Récite ce que tu peux du Coran. Si tu connais une sourate, récite-la dans chaque unité et il t'est permis de la réciter à plusieurs reprises. Médite ses sens. Médite sur le sens de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a pas de mal en cela, car cela est légiféré comme nous le démontre ce hadith que l'on vient de lire. Ensuite, le Cheikh rahimahullah ta'ala a mentionné ce qui concerne la prière de l'Ouitr. Donc, la prière de l'Ouitr, c'est la prière que l'on accomplit en nombre d'unités impaires afin de clôturer la prière de nuit. Et elle peut, entre autres, être accomplie en une ou trois unités. Donc le Cheikh rahimahullah ta'ala, il va nous mentionner les sourates à réciter dans ces trois dernières unités de la prière de nuit. Il dit rahimahullah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, récitait dans la première raka'a, glorifie le nom de ton Seigneur le Très-Haut, sourate al-A'la. Dans la deuxième raka'a, dit ô vous les infidèles, sourate al-Kafirun. Et dans la troisième, il récitait, dit il est Allah unique, sourate al-Ikhlas. Parfois, il lui rajoutait, dit, je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante, et dit, je cherche protection auprès du Seigneur des hommes. C'est-à-dire qu'il rajoutait après Sourate al-Ikhlas, Sourate al-Falaq et Sourate al-Nas. Donc, ceci sont les sourates qu'il est légiféré de réciter lors de la prière du Witr, lors des trois dernières unités de la prière de nuit. Et ces trois unités, il est légiféré de les accomplir, soit en les séparant, soit en les joignant. C'est-à-dire, soit tu accomplis deux unités en récitant dans la première Sourate al-A'la, puis dans la deuxième sourate al-Kafirun, puis tu fais les salutations, et tu te relèves, et accomplis la troisième unité en récitant sourate al-Ikhlas, et tu peux rajouter parfois sourate al-Falaq et sourate al-Nas, après sourate al-Fatiha. Ou alors, tu accomplis ces trois unités d'un seul coup. C'est-à-dire que tu les accomplis avec un seul tashahhud. Tu récites dans la première sourate al-A'la, dans la deuxième sourate al-Kafirun, puis tu te relèves sans faire de tashahhud pour la troisième unité, et tu récites sourate al-Ikhlas. Tout cela est confirmé du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il lit, rahimahullah, une fois, il a lu dans la raka'a d'al-witr, 100 versets de la sourate les femmes. Donc on voit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a une fois récité 100 versets de sourate al-Nisa dans la dernière raka'a de la prière de l'witr. Et ceci nous prouve la permission de lire autre chose que sourate al-Ikhlas dans cette unité de prière. Et également la permission de prolonger cette unité de prière en récitant de longs versets. Ensuite, il dit, rahimahullah, quant aux deux rak'at qu'il accomplissait après l'ouitr, il y récitait quand la terre tremblera, sourate al-Zalzala, et dit, ô vous les infidèles, sourate al-Kafirun. Donc, ces deux unités de prière, comme le Cheikh rahimahullah ta'ala l'a mentionné dans la note de bas de page, elles ont été rapportées dans Sahih Muslim, dans l'authentique de l'imam Muslim et dans d'autres recueils de hadith. Il dit, rahimahullah, cependant, elles contredisent sa parole, sallallahu alayhi wa sallam, veillez à ce que la dernière prière que vous accomplissez lors de la prière nocturne soit impaire. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Il dit ensuite, rahimahullah, les savants ont divergé sur la manière de concilier les deux hadiths, selon plusieurs points de vue. Toutefois, je ne penche pour aucun des cas de figure qui sont exposés. Donc ce qui est plus sûr, c'est de délaisser ce rajout pour se conformer à l'ordre du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et Allah est plus savant. Ensuite, il dit par la suite, j'ai trouvé un hadith authentique ordonnant d'accomplir les deux rak'at après la prière du witr. Ainsi, l'ordre coïncide avec l'acte, donc la légitimité de ces deux rak'at est donc prouvée à tous. Par ailleurs, le premier ordre doit être considéré comme une recommandation et donc il n'y a plus de contradiction. Je l'ai référencé dans As-Sahiha, louange à Allah qui facilite toute chose. Donc ces deux unités de prière, les savants ont divergé quant à leur sujet. Certains ont dit qu'elles étaient spécifiques au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Car il a ordonné dans le hadith que l'on vient de lire que la dernière prière que l'on accomplit lors de la prière nocturne, elle soit impaire, c'est-à-dire que ce soit al-witr. Ceci est donc un avis mentionné par les gens de science. D'autres ont dit qu'il a fait cela pour montrer la permission de prier après la prière de l'witr. Et c'est ce qu'a mentionné al-Hafidh al-Nawawi rahimahullah ta'ala. C'est-à-dire que si par exemple une nuit, après Salat al-Aïcha, avant de te coucher, tu accomplis la prière de nuit et clôtures par la prière de l'Witr, puis Allah subhanahu wa ta'ala te facilite et tu te réveilles avant le Fajr, alors il t'est permis d'ajouter quelques unités de prière de nuit en les accomplissant d'un nombre pair. Et tu ne referas pas le Witr car tu l'as déjà fait avant de te coucher. Et d'autres savants ont dit que cette prière, elle est considérée comme une ratiba, la ratiba du witr. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'accomplissait en étant assis. C'est-à-dire qu'après le witr, il restait assis et il faisait ces deux unités de prière, comme l'a mentionné l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala. Ensuite, il dit rahimahullah ta'ala, concernant la prière du vendredi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait parfois dans la première raka'a la sourate le vendredi, et dans la seconde quand les hypocrites viennent à toi, sourate al-Munafiqun. De temps à autre, il récitait à la place, c'est-à-dire à la place de Sourate al-Munafiqun, t'est-il parvenu le récit de l'enveloppante, Sourate al-Ghashiyah. Tantôt, il récitait dans la première raka'a, glorifie le nom de ton Seigneur le Très-Haut, et dans la seconde, t'est-il parvenu le récit de l'enveloppante, c'est-à-dire Sourate al-A'la et Sourate al-Ghashiyah, comme cela est accompli par grand nombre d'imams dans les mosquées aujourd'hui. Ensuite, il dit, rahimahullah, la prière des deux Eids. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, récitez parfois dans la première raka'a, glorifie le nom de ton Seigneur le Très-Haut, et dans l'autre, t'est-il parvenu, c'est-à-dire Sourate al-A'la et Sourate al-Ghashiyah, comme pour la prière du vendredi. Et d'autres fois, il récitait Qaf par le Coran glorieux et leur approche, c'est-à-dire Sourate Qaf et Sourate al-Qamar. Donc ces deux choses sont rapportées authentiquement du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, concernant la prière des deux Eids, Eid al-Fitr et Eid al-Adha. Ensuite, il dit, rahimahullah ta'ala, la prière mortuaire. Ce qui fait partie de la sunna, c'est de lire la Fatiha, suivie d'une sourate, à voix basse, après avoir prononcé le premier takbir. Donc, le shir, rahimahullah ta'ala, il nous mentionne ici cet avis, qui est le fait qu'il est permis d'ajouter à sourate al-Fatiha, après le premier takbir de la prière mortuaire, la récitation d'une autre sourate. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui, inshallah ta'ala, et on continuera la lecture et l'explication dans le cours de demain, inshallah ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakumullahu khayra.